pourquoi l'histoire de Crésus nous apprend que l'argent ne fait pas le bonheur. L'expression « riche comme Crésus » et le mot « pactole » sont des vestiges de la mythologie grecque qui ont survécu jusqu'aujourd'hui dans notre langage. Dionysos exauça le vœu du roi Midas, désireux de voir converti en or tout ce qu'il touchait, mais il se rendit rapidement compte que son existence était devenue invivable car ce qu'il mangeait ou ce qu'il buvait était également transformé en or. Dionysos accepta d'annuler le vœu, mais Midas dut se laver dans un ruisseau, le Pactole, qui se trouvait dans le royaume de Lydie, région occidentale de l'Asie mineure. L'eau de cette source, chargée désormais d'une multitude de paillettes d'or, alimenta la légendaire richesse de Crésus, le roi de Lydie. Hérodote, qui est souvent présenté comme le père de l'histoire, même si ce type d'histoire n'avait pas grand-chose de commun avec celle que nous faisons aujourd'hui, car il avait un goût prononcé pour les faits légendaires, a raconté l'histoire de Crésus. Dans un passage de son récit, il écrit que Crésus voulut prouver à Solon, le législateur athénien souvent considéré comme le fondateur de la démocratie, qu'il était le plus heureux des hommes en exhibant ses trésors. Mais Solon réfuta cette prétention en disant « Avant qu'il soit mort, attendons, ne disons pas encore d'un homme qu'il est heureux. Disons que la fortune lui sourit. » Quelques jours plus tard, Crésus apprit la mort de son fils Ardys lors d'un accident de chasse. Pour expliquer qu'en 546 avant Jésus-Christ, les Grecs déclarèrent la guerre aux Perses, l'autre grand peuple qui dominait l'Asie mineure, Hérodote affirme que Crésus prit cette décision pour essayer d'oublier le malheur qui l'avait frappé. Il tenta de nouer des alliances avec Sparte, Babylone et l'Égypte, mais ses alliés lui firent faux bond au dernier moment. Cyrus le Grand, le roi des Perses, s'empara de Sardes, la capitale lydienne, et après avoir emprisonné Crésus, il décida de le brûler. Pieds et mains liés sur le bûcher, celui-ci se remémora alors son dialogue avec Solon. Puis il implora Apollon de bien vouloir lui laisser la vie sauve en s'excusant de son penchant orgueilleux. À ce moment précis, un nuage recouvrit le ciel et il se mit à pleuvoir suffisamment fort pour éteindre le bûcher. Cyrus, ayant compris le message divin, libéra son ennemi et en fit même son conseiller. Crésus fut nommé gouverneur d'une région stratégique au sein du royaume perse, qu'il administra avec succès pendant une douzaine d'années. Reconnaissant envers les dieux qu'il avait sauvé d'une mort atroce, il multiplia les offrandes au temple grec. Hérodote, qui raconte ces événements plus d'un siècle après qu'ils eurent lieu, affirme que c'est à Crésus que l'on doit le temple d'Artémis à Éphèse, à l'ouest de l'actuelle Turquie, considéré comme la quatrième merveille du monde antique. Il ajoute que Crésus fit aussi présent à Thèbes, en Béotie, d'un trépied d'or qu'il consacra à Apollon et qu'il envoya au temple de Minerve à Delphes un grand bouclier d'or. Retenons de cette histoire que tous ceux qui souhaitent devenir riches comme Crésus devraient se souvenir que lui-même a fini par comprendre que l'argent ne fait pas le bonheur.